Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Est-ce que vous aussi, vous avez été séduit? Y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens, qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits! Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur répondit. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète! Et chacun s'en retourna dans sa maison.